baisse, la femme fait des câlins. Je rallume le pet de la veille et je me dis qu'il fait trop le malin. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Je reviens de plus en plus fort et j'ai de plus en plus faim. On dit tiens, tiens, t'as vu, ça fait des tu restes à la cité. Je m'achète tout, je prépare, avant tout, ça personne m'invite. Autant serre-moi la main, sans faire le gros, le mec excité. On aime tous la vie, mais attention, je peux tout acquitter. Loup solitaire, si nécessaire, je vais rejoindre la mer. On est des loups solitaires, si nécessaire, on va rejoindre la mer. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Je reviens de plus en plus fort, et j'ai de plus en plus fort. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. Je reviens de plus en plus fort, et j'ai de plus en plus fort. Je démarre l'auto, je suis souvent seul, je monte sur la capitale. Je tape le poteau, ça parle à faire, faut qu'on pète le pactole. Écoute les passés, tous des chaînes, faut garder la mentale. Mais c'est pris qu'un passant, c'est fait. On a fait nos sous tout seul, on n'a pas connu d'héritage. On a refait ce dos pendant que tu fais ton cash à l'étage. On a connu les bordels, gros là ça pétait le champagne. Mais je connais les galères, voiture qui tombe en panne. Les condés devant la porte, les darons s'inquiétaient. Si on veut ma mort, qui viendra m'aider? Les condés devant la porte, les darons s'inquiétaient. Si on veut ma mort, qui viendra m'aider? Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères.